Today we are going to study the Middha Sutta. My friends, how about your meditation? Is it okay or not? Any problem? Yesterday we already applied Middha Bhavana common to all. Today we are going to Middha particular or individual. Okay? Special metta, madame. Donc nous avons vu déjà le metta que l'on envoie au particulier et le metta que l'on envoie au commun, à tous les êtres. Aujourd'hui, nous allons étudier un autre aspect de metta. Quels que soient les êtres vivants, faibles ou forts, ceux au corps long, moyennement long, Tassa veut dire faible, Tawara veut dire fort, Wana Wasesa veut dire sans exception. Donc on commence par souhaiter à ce premier groupe de deux, c'est-à-dire les faibles et les forts, on commence par leur souhaiter d'être heureux et en paix. Un premier groupe de deux. Les deux vers suivants, Diga veut dire long, Mahanta veut dire grand, Majima veut dire moyen, Rasa veut dire court, et Tula veut dire gras ou gros. Dans ce vers, il y a en fait trois groupes auxquels on va envoyer notre metta, et tout ceci est un petit peu confus à cause des exigences du poème. Mais donc, d'un point de vue très pratique, il y a un premier groupe, le groupe des courts, des êtres courts et des êtres moyens, puis un groupe de trois, les êtres grands, petits ou moyens, et encore un groupe de trois, les êtres gros, les êtres minces et les êtres moyens. Et donc, on va souhaiter à tous ces êtres, les êtres au corps long, comme les serpents, au corps moyennement long ou au corps court, qu'il soit grand, moyen ou petit, moyennement petit ou gros, quels que soient les êtres, on leur souhaite d'être heureux et en paix. Oui. Donc, dans le deuxième groupe, il est question d'être grand, les Mahanta, par exemple les éléphants, les petits êtres, Anuka, par exemple, les insectes ou les petits animaux, et enfin moyennement grands, à tous ces êtres, qu'ils soient grands, petits ou moyens, on envoie notre metta. Encore un groupe de trois, Tula, ce sont les gros, Anuka, ce sont les minces, et Majima, ce sont les moyennement gros. Donc, dans ce paragraphe 6, il y a quatre lignes, mais elles comptent trois groupes. Les trois groupes dont il vient d'être question. Ok, please, let's go to next part, read Pali together. Ma. Dita wa yewa adita, yecha dure wasanti awidure, buta wa samba was sabi sata bawantu sukitata. Once more. Dita wa yewa adita, yecha dure wasanti awidure, buta wa samba wesiwa, sabi sata bawantu sukitata. Donc, dans cette première phrase, dita wa yewa adita, il s'agit des êtres visibles et invisibles. Nous devons toujours envoyer des pensées bienveillantes à tous les êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles. Nous sommes nés dans le plan humain et nous sommes donc visibles. Les animaux également sont visibles, mais il y a dans notre corps des millions, si pas des trillions de particules extrêmement petites, de microbes, qui sont invisibles à l'œil nu. Il y a aussi une autre catégorie d'êtres qui est invisible, ce sont les esprits, les fantômes. Même si on n'y croit pas, ces esprits existent et sont invisibles à l'œil nu. Dans la deuxième phrase, il est question de Douré et Aouidouré. Douré veut dire proche, Aouidouré veut dire lointain. Quand on parle des êtres qui sont proches, on veut dire, par exemple, votre famille, vos voisins, les concitoyens, tout cela fait partie de cette catégorie d'êtres proches. Mais il y a également des êtres qui vivent beaucoup plus éloignés de vous, non seulement sur cette planète même, mais également sur d'autres planètes où il y aurait éventuellement de la vie. Donc, dans tout l'univers, il y a peut-être des êtres qui vivent et qui méritent votre metta. Donc, lorsque vous envoyez metta, vous le faites pour les proches, ce sont les particuliers que nous avons déjà étudiés, et pour ceux qui sont plus éloignés de vous, les lointains, et ça, c'est le véritable metta qui s'adresse à la totalité des êtres dans l'univers tout entier. Et nous l'avons également étudié et pratiqué. Ce sont donc les communs. L'avant-dernière phrase, Bhuta wa samba wesiwa. Ce sont les êtres qui sont nés et les êtres qui doivent encore naître. Les êtres qui sont déjà nés, ce sont tous les êtres qui sont arrivés à la vie, que ce soit sur terre, dans l'eau ou dans l'air. Les êtres qui sont à naître, ce sont ceux qui ne sont pas encore arrivés dans la vie, comme par exemple les êtres qui se trouvent encore dans l'œuf ou les fœtus, par exemple. Donc, tous ces êtres méritent notre metta, nous devons leur envoyer metta, qu'ils soient nés ou à naître. Donc, dans ce paragraphe, il y a un groupe de trois qui contient chaque fois deux catégories. Trois fois deux. Visible et invisible, proche et lointain, né ou à naître. Un groupe de trois fois deux. Au paragraphe suivant, il y a là également trois groupes de deux. Tassa, Tawara. Tassa, c'est faible. Tawara, c'est fort. Diga et Mahanta. Don't go there, only Tassa wa yiwa. Tassa et Tawara, de deux. My friends, please read number 1 to number 8. Okay? Number 1 to number 8. Only in English. Please read it together. Sukino wa kemino hontu. Saba sata bawantu sukitata. Okay. Please read in English. Only English. Number 1. May all beings be happy and safe. May their hearts be wholesome. Thank you. It is a metta bhavana common to all. Okay, mother. So, common to all. Okay, number 2. Please read only in English. Number 2, carry on. May all of tall, short, and medium beings, without exceptions, may all of stout, medium, and small beings, may all of large, thin, and medium beings. Be happy, mother, okay? Say, be happy, be happy. And safe, may their hearts be wholesome. May all of feeble or strong beings be happy. May all of seen or unseen beings be happy. May all of beings dwelling far or near be happy. May all of beings, those who are born or those who are not yet been born, be happy. Donc, la première phrase concerne les particuliers, le numéro 1, et puis Le 2, le 3 et le 4 concernent les universels. Le numéro 1, ce sont les universels. De 2 à 8, ce sont les particuliers. Number 9. Let no one deceive another. Let despise any person in any place. Let him not wish any harm to another out of anger or ill will. Na brobreni govita, na dimanyita, kadeji nankanji. Ya rozna bdiga sanya, nanya minyasa dukamichiya. Okay, let's read Pali together. Donc, le paragraphe 8. Na paru param nikubeta, nati manyeta katam chinam kinsi, ya rozna patiga sanya, Nanya manyasa duka mikeya. Mikeya. Mikeya. Que nulle part personne ne trompe ni ne méprise qui que ce soit, par le corps ou la parole, que nul n'agresse ou n'insulte, dans la haine ou la colère, que nul ne souhaite de mal à autrui. It is very important in our social life. First, na bro brani go beta. You should not be get angry easy. Okay, you should not be get angry easy. For easy way, don't get angry easy. For your student, for your children, you can suggest. C'est très important de d'appliquer ces qualités dans la vie de tous les jours. Il s'agit ici d'éviter de se fâcher trop vite, essayer de contenir sa colère, de la contrôler. Ceci nous sera très utile dans la vie de tous les jours, par exemple en famille, lorsqu'on s'adressera aux enfants, ou bien pour un professeur avec ses élèves. Si on ne contrôle pas la colère, qu'on se fâche trop vite, cela va amener toutes sortes de problèmes. On perdra nos amis et on perdra aussi des occasions. Donc, il est très utile de contrôler la colère, de ne pas se fâcher trop vite. Donc, dans la deuxième phrase, il est question de ne pas mépriser qui que ce soit. Dans la vie de tous les jours, cette recommandation nous sera très utile. Elle va nous permettre de garder nos amis. Au lieu de mépriser, il faut essayer d'envoyer les quatre humanités, donc l'amour bienveillant et les trois autres, ce qui va aider les gens. La dernière phrase concerne les autres. Il faut éviter de souhaiter du mal aux autres, de souhaiter qu'ils ratent ce qu'ils ont entrepris. En bref, ne jamais espérer ni souhaiter de mal à autrui. Ce qui est très souvent le cas dans la société. Ce paragraphe est un enseignement social. Ce sont des recommandations qui concernent la vie de tous les jours. C'est très important de les adopter. Donc, il s'agit en bref de ne tromper personne, de ne mépriser personne, de n'agresser personne et de ne souhaiter de mal à personne. Okay. Thank you. Today we already studied the three phrases. Now, please read the Pali, these three phrases. Yegeji Pana Budati, from there, read together. Yekechi panabutati tasawa tawara wanasvesa digawaye wa mahanta majima rasaka nukatula dita waye wa adita yechaturi wasanti awi Butawa Samba Wesiwa Sabesata Bawantu Sukinata Naparo Paramnikubeta Atinayeta Kata Chitankinchi. Nanya Nyasaka Michi. Please say sadhu, sadhu, sadhu. Please say sadhu, sadhu, sadhu.